Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous sur Radio Fadjet, l'instant présent, le rendez-vous mensuel consacré au développement personnel. Lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique. Aujourd'hui, le bonheur au travail, une émission que je vais co-animer avec Dorothée Lacroix, sophrologue et instructrice en méditation de pleine conscience. Bonjour Dorothée. Bonjour Jérôme. J'espère que tu es en pleine forme. En pleine forme. Eh bien, c'est parfait, on se retrouve dans quelques instants pour ce nouveau numéro de l'instant présent. Et oui, les vacances sont terminées et il faudra patienter pour retrouver la joie de désactiver son réveil, de se languir sur la plage, les pieds en éventail et retrouver donc la saveur des longues soirées d'été. Le ressenti des bienfaits des congés semble être de courte durée et bien souvent le retour de congé rime avec stress retrouvé. Alors certaines personnes éprouvent même un bourdon intense à l'idée de reprendre le chemin du boulot. L'occasion parfois d'en profiter pour faire un bilan professionnel en se posant la question « suis-je heureux au travail ?» Une question à se poser quand on sait qu'en France, seulement 11% des salariés iraient travailler avec le sourire, 61% seraient désengagés et 31% profondément malheureux. Et pour en parler, bien évidemment, fidèle au poste donc de l'instant présent, Dorothée Lacroix, sophrologue, prête pour parler donc du bonheur au travail. Oui, complètement prête. Aïe, c'est trop dur, et voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère vivre vieux. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Demander la charité. Alors vous avez certainement reconnu donc Dorothée. Julien Clerc, travailler c'est trop dur. Et oui, en introduction de cette émission sur le bonheur au travail. Alors j'espère que pour la majorité d'entre vous, effectivement, travailler ce n'est pas trop dur. Alors avant d'aller plus loin, première question Dorothée, comment reconnaît-on un salarié heureux? Eh bien pour répondre à cette question, il faut d'abord, à mon sens, redéfinir le travail et ne pas se limiter à la définition économique, politique et libérale, qui réduit le travail à l'ensemble des activités intellectuelles et manuelles accomplies par l'homme, pour produire quoi ? Ben des biens et des services, en contrepartie d'une rémunération. À mon sens, la notion de travail est bien plus large, et c'est avant tout, je dirais, une relation entre un individu et un milieu professionnel. Que l'on soit en statut salarié, fonctionnaire, indépendant, ou même bénévole. Et je crois, Dorothée, il est important d'évoluer dans un climat serein et agréable. Oui, selon les critères de nos sociétés modernes et de nombreuses études menées à ce sujet par différents observatoires du bien-être au travail, le travailleur heureux évolue dans un climat serein, agréable, c'est-à-dire un environnement où l'importance est donnée à l'humain, où l'humain est au centre des préoccupations. Bah, d'autant plus qu'on y passe quand même minimum 8 heures de notre journée. Alors bonheur au travail, alors, épanouissement personnel, est-ce que ça va de pair ? L'épanouissement professionnel peut se répercuter sur la vie personnelle. Parce que, effectivement, c'est toujours difficile de scinder la vie pro et perso. En fait, il y a la vie. Nous ne sommes pas un travailleur la journée et une autre personne une fois sortie du travail le soir. Nous sommes un tout. C'est pourquoi il est souvent difficile de garder l'équilibre. Mais Dorothée, quand on parle de bonheur au travail, est-ce que ce n'est pas un peu trop idéaliste ? Bah si, ça voudrait dire que le bonheur au travail s'inscrit dans un sentiment qui dure. Si on fait 20 ans de carrière, ça veut dire qu'on aurait été 20 ans pleinement satisfait, pleinement heureux chaque jour où on a été au travail. Or, qui n'a jamais passé une mauvaise journée au travail ? Je pense qu'il est plus juste de parler de plaisir. Plaisir à travailler dans un environnement qui nous convient, avec des tâches et un sens qui nous satisfont. Et lorsque l'on a passé une bonne journée, lorsque l'on a performé sur un dossier épineux, respecté des délais ou encore réussi à gérer une situation imprévue, ou même encore si on a reçu la reconnaissance de sa hiérarchie, eh bien oui, on peut dire que cela renforce le sentiment d'auto-efficacité personnelle et nous rend heureux. La notion de travail, elle est bien plus large et c'est avant tout, je dirais, une relation entre un individu et un milieu professionnel. Quels sont les avantages, Dorothée, d'être heureux au travail ? Eh bien, le travail a des effets sur l'homme. Si le travail est parfois vécu comme une contrainte ou un manque de liberté, il permet de former un homme d'un point de vue moral et lui apprendre à vivre avec les autres. Le travail est un vrai vecteur de développement personnel et préserve nos capacités intellectuelles. Il ne faut pas oublier que c'est valorisant de travailler, que ça nous donne un rôle dans la société, un statut social et aussi une reconnaissance pour avoir aussi une bonne santé mentale. Plus on est heureux au travail et plus on se sent engagé, impliqué dans sa mission. On va ressentir même parfois des effets bénéfiques sur son corps, un sentiment d'autosatisfaction personnelle. Par exemple, si on prend l'exemple de la créativité, eh bien plus mon travail laissera libre cours à ma créativité, eh bien plus je pourrai m'exprimer librement et ça permet par exemple de libérer les hormones du bonheur. On constate ça notamment dans les startups qui créent toujours un environnement favorable pour les salariés, justement pour développer cet esprit de créativité dont tu viens de parler. Oui, tout à fait. Et on peut, par exemple, si on veut faire la comparaison avec le chômage, il va avoir un impact considérable sur l'esprit, à contrario, va nous laisser avec le sentiment d'être indésirable, sans valeur, sans espoir, et parfois même de douter de notre parcours professionnel qui n'était qu'une perte de temps. Alors justement, pourquoi les salariés se déclarent souvent insatisfaits donc, de leur travail? Alors ça, c'est difficile à dire, et ça dépend des cas, mais il peut y avoir différents facteurs. Ça peut être une perte de sens, parfois ça arrive dans son travail suite à des réorganisations, restructurations, qui sont vraiment subis et qui vont changer considérablement en fait le métier et la personne ne s'y retrouve plus. Ça va abîmer la relation avec son travail. Ça peut être aussi un management infantilisant, des difficultés de communication avec ses pairs ou collègues, un manque d'écoute, de considération. Ça, c'est assez terrible, le manque de considération dans le travail. Ça fait perdre totalement confiance en soi. Ça peut être aussi une opacité dans la stratégie de l'entreprise, une charge de travail trop importante. Mais bien souvent, et ce que l'on observe, c'est que c'est aussi dû à une très mauvaise organisation de la structure. Alors là, tu parles de perte de sens dans le travail, de surcharge de travail. Moi, ça me fait penser en management à tous ces concepts de burn-out ou de brown-out. Oui, qui évoque ces notions d'insatisfaction dans le travail. Alors finalement, on s'aperçoit que le salaire n'est pas toujours le critère clé dans une relation de travail. Et non, bizarrement, le salaire n'est pas toujours le critère. D'après l'étude de l'Observatoire du bien-être au travail, les trois critères qui arrivent en tête, pour être bien au travail, c'est tout d'abord l'humain au centre, pour 28%. Ensuite, c'est le contenu du poste, si on fait des tâches intéressantes, qui nous stimulent intellectuellement et qui ont du sens. Et les conditions de travail. La rémunération et les avantages arrivent bien après en quatrième position. Étude intéressante en effet. Alors bonne nouvelle Dorothée, pour ceux qui ne sont malheureux au travail, rien n'est figé. On va essayer de vous donner des conseils pour améliorer votre bien-être au travail. C'est le thème qu'on abordera dans la deuxième partie de l'émission. Mais avant, on va faire une pause musicale en écoutant justement une chanson autour du bonheur au travail. Alors Dorothée, quel a été ton choix? Henri Salvador, Le travail, c'est la santé. Alors pourquoi? Allez, je vous donne une petite explication. La chanson, à travers des métaphores, laisse entendre qu'un dévouement excessif et déséquilibré au travail peut conduire à la négligence de son bien-être personnel, à la négligence aussi des relations, ou du bien-être des relations et du plaisir de vivre. Donc c'était un message visionnaire à l'époque. La chanson a été composée en 1966, quand on sait qu'aujourd'hui, que 20% des travailleurs ont déjà fait un burn-out. Eh bien Dorothée, on retrouve tout de suite ton premier coup de cœur, Henri Salvador. Le travail, c'est la santé. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop en auto, métro ou vélo vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard ils sont costauds. Mais faut reprendre le boulot. Allez tous ensemble là. Le travail c'est la santé. Après le travail, faut être fou. Moi, le travail me court après. Il n'est pas prêt de me rattraper. Le travail, c'est la santé. Tu parles, rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers des boulots font pas de vieux os. Maintenant, dans le plus petit village, les gens travaillent comme des sauvages. Je les ai vus pour se payer tout le confort. Quand ils ont tout bas, ils sont morts. Le travail c'est la santé. Rien faire c'est la conserver. Les prisonniers des boulots font pas de vieux. Vous avez tous reconnu Henri Salvador, donc le travail, c'est la santé. Deuxième partie de l'instant présent sur Radio Fadjet, l'occasion d'aborder donc le développement personnel sous la forme de conseils pratiques pour nos auditeurs. Alors on a évoqué dans la première partie l'importance d'être heureux au travail. Alors justement, passons maintenant à la partie pratique. Dorothée, quels conseils peux-tu donner à nos auditeurs? Ne faut-il pas commencer par faire un bilan avec son responsable de ressources humaines pour comprendre quelles sont nos principales attentes? Alors imaginez que depuis de nombreuses années, depuis longtemps, votre travail ne vous stimule plus et que vos missions ne sonnent plus trop avec la personne que vous êtes, enfin ne résonnent plus trop avec la personne que vous êtes aujourd'hui, votre sensibilité, créativité, vos valeurs. Chaque jour où vous devez vous rendre à votre travail, eh bien, ça devient épuisant physiquement, émotionnellement, mentalement. Et petit à petit, eh bien, ça va mettre un peu au plus bas, de plus en plus, votre élan vital. Vous commencez à angoisser dès le dimanche soir ou chaque matin avant de partir, la boule au ventre. Malgré que cela soit difficile à gérer dans le quotidien, eh bien, je dirais qu'il faut s'écouter et de se dire que peut-être ces symptômes désagréables sont des besoins de renouveau, d'explorer votre plein potentiel et de développer de nouvelles compétences. Alors oui, pour répondre à ta question, Jérôme, eh bien, ça peut être important, effectivement, de demander un rendez-vous, d'oser en parler à son manager ou RH pour voir comment on peut réorienter sa carrière au sein de l'entreprise. Voilà. Et puis, il faut savoir que la santé au travail, que ce soit par la médecine du travail ou les RH, est prise très au sérieux. Et d'ailleurs, on voit depuis de nombreuses années hein, beaucoup d'actions qui sont déployées pour notamment prévenir à la fois les risques psychosociaux, mais aussi en termes de gestion du stress. Voilà, pour prendre en charge le mal-être au travail dans son ensemble, c'est plus tabou d'en parler, c'est ça que je veux dire en fait. Donc il ne faut vraiment pas hésiter et demander de l'aide. Alors justement, quand on a pris conscience de son mal-être au travail, je pense qu'il faut accepter, il faut accepter le changement, car la peur du changement peut être un frein important. Oui, tout à fait, c'est difficile de changer. C'est vrai que quand on a un conflit de valeurs ou si on évolue dans un milieu qui peut se révéler être quand même toxique, on a vu hein, que le travail, c'est une relation. Donc, comme toute relation difficile à vivre, parfois, bah oui, la seule solution, c'est de rompre, c'est de changer. Et dans ce cas, bah, je dirais qu'il ne faut pas hésiter. Si c'est difficile d'acter ce changement, eh bien, de se faire accompagner par des psychologues, des thérapeutes ou encore aussi par des coachs, voilà, pour être certain de son choix et puis surtout pour vivre au mieux ce changement qui peut être finalement salvateur quand on est vraiment dans une situation de très gros mal-être. Oui, surtout que voilà, c'est un véritable saut dans l'inconnu pour certains, et je peux comprendre effectivement hein, cette relation de stress, de la peur de changement. Alors justement, tu parlais donc d'accompagnement. Est-ce que le bonheur au travail ne passe pas par un accompagnement des managers qui encadrent les salariés ? Alors oui, ça joue énormément. Hein. C'est vrai que les managers, en développant leurs compétences psychosociales en termes d'écoute, d'empathie, de développer une intelligence émotionnelle, qu'ils soient aussi disponibles hein, et en valorisant le travail de l'équipe, vont permettre effectivement d'avoir un accompagnement qui va permettre aux salariés d'évoluer dans un milieu serein. Mais dans la réalité, ce n'est pas toujours évident. Les derniers chiffres à ce sujet sont assez éloquents. Les managers sont encore plus nombreux à souffrir d'épuisement professionnel. Ils sont 53% donc à souffrir de cet épuisement contre 48% pour les employés. Alors les employés subissent du stress au travail, mais les managers en ont encore plus sur les épaules, qu'il s'agisse de la gestion du budget au licenciement, en passant par la gestion empathique d'un marché du travail tendu, les managers portent de nombreuses responsabilités qui sont très stressantes. Et souvent, ils peuvent se retrouver aussi impuissants face aux enjeux et les symptômes de l'épuisement professionnel sont beaucoup plus prononcés chez eux. Et parfois, l'inconvénient qu'il peut y avoir à tout ça, c'est que ça peut se répercuter sur l'ensemble de l'équipe. Donc, ce n'est pas une chose, effectivement, facile, hein, ce bonheur au travail. Et ça suppose, effectivement, une prise de conscience globale au niveau, effectivement, de l'entreprise, de la part des managers, de la part des salariés, mais aussi hein, de la part de la direction générale. Oui, tout à fait. Le bonheur au travail, c'est un véritable enjeu. Et ça passe, je dirais, aussi et surtout par une réorganisation de l'entreprise, une réorganisation des tâches et pas uniquement par des actions ponctuelles de bien-être qu'on voit se développer ces dernières années, qui, elles, ont finalement que pour but de sensibiliser les travailleurs au stress et prévenir les risques psychosociaux, mais pas forcément de trouver des solutions sur le long terme. Oui, voilà, donc le bonheur au travail passe par une approche globale hein, au niveau de l'entreprise. Et dans un environnement de plus en plus concurrentiel, ça peut même permettre d'attirer certains salariés qui sont à la recherche justement d'un travail où ils ont un sens. Alors justement, certains managers donc, dans les entreprises dites libérées ont compris cette logique. Ils préconisent la confiance plutôt que le contrôle. Et c'est notamment le cas de la société Prête à partir, dont nous avions reçu son dirigeant, donc François Piau, dans l'Instant Écho. Eh bien, écoutez ce qu'il nous disait justement sur la confiance à accorder aux salariés. Alors le contrôle, chez nous, ça coûte cher. Hein. C'est justement pour ça qu'on en fait très très peu. Déjà parce que ça donne à nos collaborateurs le sentiment qu'on leur donne confiance. La confiance est extrêmement importante, ça les libère et puis ça évite en effet des couches hiérarchiques qui, comme le disait Zobrist tout de suite, sont inutiles. Chez Prêt à partir, on est un peu des extraterrestres. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de budget. Donc ça choque un peu quand on vient de l'extérieur, surtout les banquiers d'ailleurs. Bon, quand ils ont besoin d'un budget, je leur fais ça. Je leur demande de repasser 3 minutes plus tard et puis je leur demande combien ils veulent. Donc la confiance, c'est essentiel. Hein, et je reste vosgien là-dessus. On donne toujours notre confiance quand on est vosgien, mais on n'a pas le droit de la trahir. Hein. La confiance, c'est comme les champignons. Tous sont comestibles, mais certains ne le sont qu'une fois. Donc chez nous, par exemple, de confiance, les nœuds de frein ne sont pas contrôlés. Je les signe, mais je ne les regarde pas. On ne contrôle pas les horaires. Les états de présence ne sont pas analysés. Les congés ne sont pas validés. La personne est en congé, elle nous prévient, mais c'est l'équipe qui décide de sa période de congé dans l'intérêt de l'entreprise. Donc on essaie de supprimer toutes ces couches de contrôle, de validation, de syndrome du petit chef, hein, qui, à mon avis, est déjà un coût et en même temps une source d'improductivité pour l'entreprise. Voilà un témoignage donc intéressant que celui de François Piau qui dirige donc Prêt à partir et qui a compris l'importance de s'appuyer sur ses ressources humaines et sur l'importance donc du bonheur au travail si l'on veut que ses salariés eh bien, puissent s'épanouir et que la société puisse en profiter donc sur le long terme. On va passer maintenant à notre deuxième coup de cœur musical. Alors quel a été ton choix Dorothée ? Alors là j'ai choisi un son mélancolique et introspectif, c'est Pink Martini, Je ne veux pas travailler. Et ça tombe bien parce qu'on est dimanche. Ah ben parfait. Alors moi, autant je connaissais Julien Clerc et Henri Salvador, là, je ne connais pas Pink Martini, donc c'est l'occasion de faire une découverte pour moi. Ma chambre a la forme d'une cage, Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fier de ça. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne veux pas travailler. Alors effectivement, je la connais en fait cette chanson, mais c'est plutôt l'auteur qui ne... L'interprète, qui Pink Martini, moi, qui était inconnu, effectivement, pour moi. On se retrouve tout de suite pour la troisième et dernière partie, donc, de l'instant présent. Oui, troisième partie de l'instant présent sur le bonheur au travail. Alors, je sais que pour évoluer, pour changer, ben j'aime des citations inspirantes qui nous font du bien et qui peuvent nous motiver. Alors, Dorothée, est-ce que tu as un principe à partager à nos auditeurs pour aider à changer, effectivement, s'ils ne sont pas heureux au travail ? Alors, ben Jérôme, justement, si je te dis John Lennon et que je te dis « Que veux-tu faire plus tard ?», tu me réponds quoi ? Eh bien, je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Non. Eh bien, John Lennon a répondu « être heureux » quand il était enfant. On lui a posé cette question et c'est ce qu'il a répondu. Et je trouve ça juste formidable. Tout à fait. Et moi, j'aime aussi cette citation d'Henry Jackson Brown. « Trouvez un travail que vous aimez et vous ajoutez 5 jours à chaque semaine. » Pas mal du tout. Hein? Oui. Alors justement, Dorothée, toi, tu es heureuse au travail ? Ah oui, bien sûr. Tu t'épanouis. Ce n'est pas tous les jours facile. Hein? C'est un travail. Tout à fait. Moi aussi, je suis heureux au travail. Ça fait, pas bon, je vais le dire, plus de 30 ans que j'exerce mon métier d'enseignant. Et effectivement, chaque matin, je ne pense pas que je vais aller au travail. C'est le bonheur. Le bonheur. Hein, de se lever, d'aller au travail. Donc j'espère à nos auditeurs, effectivement, oser changer, oser le changement si vous n'êtes pas heureux au travail, car effectivement, ça apporte, comme on l'a dit tout à l'heure, plein d'effets positifs. Alors pour terminer, quelques références d'ouvrages éventuellement pour prolonger cet entretien sur le bonheur au travail ? Alors moi, je vais plutôt vous donner un conseil, finalement. C'est vrai que face à tout le stress et la charge mentale que je peux aussi voir au niveau des personnes qui me consultent, par rapport à tout ça, et c'est souvent lié au travail, on va pas se le cacher, eh bien, sachez que vous pouvez déjà agir tout simplement en faisant de l'activité physique quotidiennement, au moins 30 minutes par jour. Voilà, ça vous permet de vous aérer, de respirer. Ça peut être une activité physique simple, pas forcément extrême, hein, c'est juste marcher, si on peut se rendre au travail en marchant à vélo, si on aime courir, eh ben, c'est encore mieux. Voilà, donc ça c'est important parce que ça permet de vraiment diminuer l'hormone du stress, le cortisol, et de se sentir surtout beaucoup mieux. Donc, par l'activité physique. Alors, justement, pour être beaucoup mieux, j'ai entendu parler de la cohérence cardiaque. Oui, tout à fait, cette respiration, cohérence cardiaque 365, où on respire pendant 5 minutes sur des temps d'inspire et d'expire, donc qui sont réguliers, 5 secondes et 5 secondes. Mais tous ces conseils pratiques, vous pouvez les retrouver sur le replay de nos émissions, notamment celui qui concernait le lâcher prise et la gestion du stress. Voilà, n'hésitez pas à aller sur le site de la radio pour les retrouver et avoir donc des conseils en plus. Et si vous vous sentez vraiment en grande détresse et souffrance dans la relation avec votre travail, j'entends par là une fatigue intense et persistante malgré le répit, une baisse de motivation, si vous devenez irritable, si vous êtes frustré, si vous avez une performance qui diminue, que vous vous sentez aussi un peu de plus en plus isolé socialement, vous avez des troubles du sommeil, que vous avez un sentiment de désespoir ou parfois même des marques de cynisme, et puis aussi des répercussions sur le corps, hein, l'estomac noué, des maux de tête, de dos, et bien n'attendez pas et consultez votre médecin, et puis voilà, essayez de chercher un nouvel équilibre de vie si nécessaire. Oui, merci pour tous ces conseils, Dorothée. Alors moi, j'ai un ouvrage quand même à vous conseiller, notamment pour les managers qui voudraient faire évoluer leur entreprise. Ça s'appelle justement « Le bonheur au travail ». C'est signé Isaac Gates, qui est un professeur et qui est allé à la rencontre de nombreuses entreprises en France qui ont osé restructurer donc leur entreprise en supprimant toute forme de hiérarchie et en faisant confiance aux salariés qui se voient confier davantage de responsabilités, qui sont davantage impliqués dans l'entreprise et qui effectivement vont avec plaisir de leur entreprise, même si l'on sait que cette façon de fonctionner n'intéresse pas tous les salariés. Certains salariés ont une volonté d'avoir effectivement des ordres précis, de rentrer chez eux sans trop de soucis. Donc voilà, c'est pour ça, c'est intéressant de voir tous ces témoignages. Il y avait donc ce livre, donc Le Bonheur au Travail, vous pouvez retrouver aussi sur Arte, une émission qui a été diffusée à la suite effectivement de ce livre, Le Bonheur donc au Travail. Voilà, ainsi se termine ce nouveau numéro de l'Instant Présent. N'hésitez pas à faire vos remarques sur la page Facebook de Fadjed et de vous faire part des thèmes que vous souhaitez aborder ces prochains mois. Et comme l'a dit Dorothée, si vous voulez réécouter cette émission ou d'autres émissions, nous avons bien évidemment le replay sur le site donc internet de Radio Fadjed. Eh bien Dorothée, on se retrouve bien évidemment le mois prochain pour un nouveau thème. Avec plaisir. Et c'est toujours un plaisir aussi de te retrouver pour aborder de nombreux sujets l'instant présent pour être mieux dans sa vie au quotidien. Rendez-vous donc le mois prochain sur Radio Fadjed. D'ici là, restez fidèles à cette belle radio.